avec du courage et son gamin. Il va bâtir ici dans le jardin le plus grand, le plus beau de ses rêves, pour épater le beau-frère, les collègues. Tous les jours ça ricane devant chez lui, mais lui pourtant s'en fout et construit le plus fier et somptueux des bateaux. Depuis 6 ans le soir après le boulot, et même s'il n'a jamais vu la mer, il a l'âme sauvage des corsaires. L'incandescent, tous les noeuds marins, le goût des embruns, il vient des bouquins. Chaque soir il avale le chant lexical, des coques et des voiles, la corde fanale. L'incandescent, tous les noeuds marins, le goût des embruns, il vient des bouquins. Chaque soir il avale le chant lexical, des coques et des voiles, la corde fanale. La famille au rythme du chantier soutient patiemment le passionné, en épongeant sa persévérance. Elle se prive encore de vacances. La mise à l'eau prévue pour bientôt, rien ne peut plus freiner le matelot. La mise à l'eau prévue pour bientôt, rien ne peut plus freiner le matelot. Et quand il sera parti pour de bon, les mauvaises langues enfin se tairont.